Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le ballet Casse-Noisette. Je crois, j'attribue ce succès à la chaleur de la fête, tu vois. Il y a un arbre de Noël, premièrement. C'est un des seuls ballets dans lesquels il y a un arbre. Il y a une fête. Et aussi, il y a une gamme d'expressions. On passe à la réalité, à la féerie. C'est un spectacle qui se prête bien à Noël. Fernando, chorégraphe et co-directeur artistique des Grands Ballets canadiens à l'émission La vie quotidienne en décembre 1979, c'est Fernando qui va créer dans les années 60 la chorégraphie du ballet Casse-Noisette présenté chaque année depuis par les Grands Ballets canadiens. Casse-Noisette est devenu un classique au fil du temps et les danseurs des plus grandes compagnies du monde accompagnent de leurs pas la musique de Tchaïkovski avec le même bonheur année après année. Est-ce que vous croyez que c'est possible pour le public de dépasser Casse-Noisette pendant le temps des fêtes? Je me suis posé cette question là plusieurs fois. Et je sais qu'à New York, à un moment, l'American Ballet Theatre a donné Coppelia, qui est un très beau ballet, très intéressant, qui a des poupées, c'est pour les enfants aussi. Une très belle partition de Léo Delibes, et ça n'a pas marché. Ils ont repris Casse-Noisette. Je sais qu'à Atlanta, ils ont monté La Belle au bois dormant, qui est un ballet féerique également de Tchaïkovski. Ça n'a pas marché. Les gens, je ne sais pas que c'est, veulent voir Casse-Noisette. Mais vous interrogez pas pourquoi les gens veulent-ils tant voir Casse-Noisette? C'est les enfants, c'est le Noël du passé, c'est la féerie. On y retrouve des valeurs? Les valeurs du passé, je crois, c'est de la nostalgie. Le vieux Noël, moins commercial. Fernando, qu'on entendait à nouveau, cette fois-ci au micro de Claude Bisaillon à l'émission Présent Dimanche en 1984, pour nous raconter l'histoire de Casse-Noisette, je reçois Geneviève Guérard, qui a été première danseuse au Grand Ballet canadien de 1999 à 2006, qui a elle-même dansé Casse-Noisette plus d'une fois et qui est aujourd'hui professeure de yoga. Geneviève Guérard, bonjour. Bonjour. Casse-Noisette, c'est devenu un grand classique, le même succès chaque année. Il est repris chaque année à Montréal, mais dans plein de grandes villes du monde. Mm-hmm. Pour faire suite à ce qu'on vient d'entendre, à ce que disait Fernando. Qu'est-ce qui fait, Geneviève Guérard, que ce ballet-là continue aujourd'hui encore d'autant nous émerveiller et nous fasciner? Bien, tout d'abord, je suis d'accord avec Fernando. C'est la nostalgie, c'est le passé, c'est un Noël moins commercial. D'ailleurs, c'était touchant d'entendre sa voix parce que je l'ai connu, j'ai travaillé avec lui. Tellement un homme dévoué à la danse. Mais je dirais aussi que c'est la musique. Ouais. Tu sais, on dit Dieu doit beaucoup à Bach. Bien, Noël doit beaucoup à Tchaïkovski, ouais. Franchement, parce que ça imprime toute la chaleur, l'humanité, la famille. Et on va entendre quelques extraits de cette musique formidable au cours de l'émission. Mais moi, j'avoue que en préparant l'émission, on oublie à quel point on connaît de nombreux airs de Casse-Noisette. Ah, totalement. C'est utilisé partout. C'est utilisé dans les films, dans les magasins. C'est utilisé à longueur d'année aussi. D'ailleurs, il y a une blague là dans ma famille. Si le solo de la fée dragée joue dans la voiture, ben là, je change de poste parce que ça, je l'ai tellement entendu, mais d'aller voir Casse-Noisette, je ne me tannerai jamais. Ouais. Parlons donc des tout débuts de Casse-Noisette. Oui. C'est créé quand et où ce ballet-là, Casse-Noisette? Ben, c'est une demande. On est vraiment à la naissance à Saint-Pétersbourg, les théâtres impériaux, en 1890. Le directeur du théâtre Mariinsky, qu'on a appelé le Kirov aussi pendant un certain moment, demande à Tchaïkovski, qui vient de créer le Lac des Cygnes, qui a eu beaucoup de succès avec La Belle au bois dormant, qui a chorégraphié aussi en collaboration avec Marius Petipa, mm-hmm. qui a travaillé toute sa vie au théâtre Mariinsky. Et le directeur demande à Tchaïkovski une commande, demande le ballet Casse-Noisette, qui est tiré d'un conte d'Hoffmann, qui a été traduit par Alexandre Dumas. Et donc, Tchaïkovski, à cette époque-là, est à New York pour l'ouverture du Carnegie Hall. C'est mm-hmm. l'inauguration du Carnegie Hall. Et à New York, il va travailler sur Casse-Noisette et il va faire venir de l'étranger des tambours, des trompettes, des jouets d'enfants qui sont mis dans le premier acte. L'ouverture, c'est la fête. Mm-hmm. Donc, c'est des instruments dont il va se servir pour rendre une fête d'enfants vraiment authentique, comme dans le conte. D'ailleurs, les enfants dans le conte original s'appellent Franz et Marie. Et dans le ballet, c'est devenu Fritz et Clara. Mm-hmm. Et donc, il va faire venir aussi un célesta. Oui. J'ai appris ça. C'est un instrument qui est nouveau pour l'époque. Il y tient. C'est comme, il veut intégrer le célesta. Mais on le connaît tellement aujourd'hui. On dit, ah oui, c'est ça le célesta. Mais c'est la musique de la fédragée, le célesta. Oui. C'est bon. Dont je parlais tantôt. Donc ça, c'est les débuts à Saint-Pétersbourg. Ils vont présenter tout d'abord en mars 1891, d'abord la version orchestrale, oui. seulement la musique, qui est un grand succès. Et en décembre, ils vont présenter le ballet au complet, donc l'orchestre, les danseurs et tout ça. Et ils ont un succès mitigé à Saint-Pétersbourg. Et en se disant, bon, ben on va rouler là-dessus pendant 2 ans, le temps de créer quelque chose d'autre pour Noël. Et finalement, c'est devenu un immense succès. Ça a été exporté partout dans le monde. Il y a des versions différentes, il y a des versions contemporaines. Mais pour les grandes compagnies, c'est devenu une pierre d'ancrage à chaque année Casse-Noisette revient. Oui, c'est fou, hein? On pense qu'on a fait un flop, puis finalement, ça deviendra un grand, grand classique. Vous parliez de Marius Petipa. Effectivement, c'est une grande, grande figure de la danse. C'est une commande, c'est une recette, ça a bien marché. Ce mariage entre Petipa et Tchaïkovski, le directeur du Mariinsky dit « Refaites-moi un ballet avec Casse-Noisette ». C'est donc Petipa qui commence la chorégraphie, mais ce qui est assez peu connu, c'est que finalement, c'est son assistant, Lev Ivanov, qui va créer l'essentiel du ballet. Parlons danse, Geneviève Guérard. Où est-ce qu'on le place ce ballet, Casse-Noisette, dans le grand répertoire du ballet classique? Ben, c'est sur le plan de la danse. Ben, c'est un ballet qui est égal, disons, au Lac des Cygnes, à La Belle au bois dormant. C'est un grand classique comme ça, sauf qu'on peut le présenter seulement à Noël, tandis qu'on peut mettre au répertoire d'une compagnie à peu près n'importe quand les grands classiques. Mais Casse-Noisette est confiné à Noël parce que ça parle de ça, c'est la musique de Noël, donc il est vraiment présenté en décembre dans les compagnies. Mais c'est un ballet qui permet à une compagnie, premièrement, d'offrir des rôles pour tous les danseurs. Oui. Souvent, dans les ballets, il va y avoir un grand corps de ballet, c'est-à-dire à peu près 30 filles qui dansent la même affaire et une qui a le plus grand rôle, avec quelques petits solos ici et là, comme c'est le cas dans La Belle au bois dormant. Mais dans Casse-Noisette, il y a beaucoup de tableaux, parce que tout l'acte 2, on passe de tableaux différents en tableaux différents avec des styles différents, une technique différente. Et donc, pour les danseurs, c'est aussi une façon d'apprendre, d'améliorer sa technique, de travailler sur scène souvent parce qu'on fait beaucoup de représentations. Donc, ça devient un terrain de jeu super fertile dans lequel se développer comme artiste parce qu'on est de plus en plus confiant sur scène. On est là souvent. Et d'année en année, d'aller chercher des rôles de plus en plus difficiles techniquement jusqu'au premier rôle. C'est un incontournable, finalement. Tous les danseurs du monde, à peu près, dansent Casse-Noisette, sont appelés à danser ce ballet. Ben, dans les grandes compagnies classiques. Ouais. Revenons à cette musique quand même, la musique de Tchaïkovski. On en écoute un petit bout, puis on parle de l'importance quand même qu'a cette musique dans ce ballet Casse-Noisette. Thank you. Que dire de cette musique, Geneviève Guérard? Quelle importance elle a? C'est important, la musique. C'est tout. Enfin, c'est une grosse partie de Casse-Noisette. Bien, je suis d'accord que c'est tout, parce que c'est ce qui a inspiré Lev Ivanov à faire ses chorégraphies. Ça a une chaleur, cette musique-là. C'est riche. Et le théâtre Mariinsky est très large. Hein. Ce que j'ai appris, c'est que la scène est très large et que donc, quand il a créé les chorégraphies, il devait occuper l'espace. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est la vase des fleurs. C'est très impressionnant à voir. Et les fleurs, les filles, il y a aussi des hommes aussi qui sont dans cette pièce-là. Il y a un couple principal, mais ils traversent la pièce, la salle en diagonale, de côté à côté. Ça occupe l'espace. Donc, c'est super riche. Il y a aussi les flocons, la scène de la neige qui est vraiment impressionnante aussi. Mais les couleurs différentes. Mais c'est un génie, Tchaïkovski. Les couleurs différentes qu'il a données à chaque tableau. Et en même temps, son profond romantisme, hein, on sent... C'est très lyrique. Exactement. On sent que c'est quelqu'un qui... un amoureux de la musique, de la vie. C'est vraiment transmis dans sa musique. Ouais. Et donc, c'est hyper chaleureux, hyper coloré. L'histoire. Mm-hmm. L'histoire de Casse-Noisette, on y vient. Je me suis dit, tiens, je vais épargner ça à Geneviève Guérard. Vous n'avez pas besoin de nous raconter l'histoire. On écoute Pierre Rolland. À l'époque, à l'émission Présent, le 20 décembre 1965, faire très, très, très bien ça. Une petite fille et un petit garçon, Kiarine et Fritz, reçoivent, entre autres, comme cadeau de Noël de leur grand-père, un drôle de casse-noisette représentant un sévère conseiller allemand, sorte de petit homme avec de grandes dents. En orientant, Fritz, comme un bon petit garçon, casse une dent et brise le casse-noisette. Les deux enfants couchent à côté d'une poupée dans un berceau le casse-noisette après l'avoir soigné. Lorsque tous sont allés dormir, Kiarine se lève au milieu de la nuit pour aller voir comment se porte son casse-noisette malade. C'est le début de l'enchantement. Kiarine assiste à un combat de souris contre des bonhommes en pain d'épices et des soldats de plomb, puis voit la métamorphose de son casse-noisette en prince de fable. Tous deux partent en voyage vers le pays des fées. Les flocons de neige tourbillonnent en valses élégantes. Arrivé au château de la fée dragée, Kiarine est invitée à un buffet dansant, chocolat, thé et attractions par Polichinelle et Mercigogne, etc., etc., et enfin, le bal général. Qu'est-ce qui fascine tant Geneviève Guérard dans cette histoire toute simple, au fond? Qu'est-ce qui nous fascine, qu'est-ce qui fascine tant les jeunes filles, les jeunes garçons? Bien, ce qu'on oublie, ce dont on parle peu, c'est que dans le conte d'Hoffmann, et on le voit dans le ballet, on le sent, mais il y a beaucoup cet esprit du passage de l'enfance à l'adolescence. Parce que ce casse-noisette, qui est le petit jouet que Clara reçoit en cadeau, se transforme en son prince, qui devient une espèce de premier regard amoureux aussi. Fait qu'il y a ça aussi qui est doux dans l'histoire de Casse-Noisette. C'est cette espèce d'éveil-là vers le romantisme, et la musique de Tchaïkovski, évidemment, porte tout ce romantisme-là. Tout l'enrobage, au fond. Tout l'enrobage, exactement. Parce que si on ne lisait que ce que l'histoire écrite sur papier, ça n'aurait pas le même effet du tout. Exactement. Et Hoffmann disait beaucoup, d'ailleurs, que la réalité était fausse et que ce qui était vrai, c'était ce qu'on imaginait. Ouais. C'était la rêverie. Donc, si on parlait d'une œuvre littéraire en disant, finalement, ce n'était qu'un rêve, elle se réveilla, ce serait pourri. On hurle. Tu sais, ce serait vraiment mauvais comme œuvre littéraire. Mais pour un ballet, de se servir de ça, c'est un long rêve. Finalement, tout l'acte 2, c'est un grand rêve que Clara fait, que son casse-noisette se transforme en prince, qui l'amène au pays des nanas, la fée dragée et tout ça. Donc, c'est super riche et porteur pour un ballet. On revient à Fernando, qu'on a entendu déjà deux fois dans cette émission. C'est lui, donc, qui va créer la chorégraphie de Casse-Noisette, celle qui sera présentée année après année au Grand Ballet canadien. C'est d'abord en 1961 qu'il crée Casse-Noisette, pas à Montréal à ce moment-là. C'est la même version, mais il la crée d'abord à Louisville, au Kentucky, dans des circonstances assez particulières. On l'écoute raconter dans quelles circonstances, justement, naît son Casse-Noisette à l'émission Les Belles Heures, au micro de Cécile Rodrigue, en 1985. Est-ce que vous avez changé beaucoup de choses de la version originale de 1892? Parce qu'on a l'impression que tous les chorégraphes au monde ont fait Casse-Noisette. Je crois que tous les chorégraphes au monde ont fait Casse-Noisette. Excepté Béjart, je crois. Monsieur Balanchine a fait un Casse-Noisette. Je ne connaissais rien de la version originale de Petit Pas. Je n'avais pas vu aucune version, ce que je préfère, parce que quand on a une version, on est toujours un peu influencé. Je me suis servi de mon imagination. Et ça s'est fait à Louisville, Kentucky, pour commencer, en 1961. Et j'ai été appelé par... Je projetais de créer Casse-Noisette en 1962. Finalement, ils ont eu une bourse de la ville et de l'État de Kentucky. Ils ont dit, 6 semaines avant la première, ils ont dit... Vous venez à Kentucky chorégraphier. J'ai dit, je ne peux pas, je n'ai pas étudié la partition, je n'ai aucune idée, on n'a pas de costume, on n'a pas de dessinateur, on n'a pas de décor. Ah, il faut absolument, parce que... Alors, je suis allé avec un assistant, et en 6 semaines, de la folie, de la folie. Ça, c'est bien vous, hein? Vous n'avez pas changé. Le soir de Noël... nous étions au théâtre en train de peinturer, d'essayer de peindre avec le peintre, d'essayer de terminer, parce que la première était le 26. C'était quelque chose d'incroyable. On ne pouvait pas trouver de la soie telle que je désirais pour faire la traîne de la Reine des Neiges qui passe au-dessus du lit de Clara. Et finalement, quelqu'un connaissait un monsieur qui tenait un salon funéraire. Alors, c'est lui qui nous a prêté de la soie. Ça commençait comme ça. On écoute, moi, j'ai pas connu Fernando, Geneviève Guérard, mais on écoute cet extrait-là, puis on se dit quel homme ça a dû être, quel homme formidable ça a dû être. Oui. Je suis très curieux, vous l'avez connu, quel genre d'homme était-il? Un homme brillant. Bon, moi, je l'ai connu, sa santé commençait déjà à décliner, donc sa voix était beaucoup plus faible, mais il y avait toujours l'énergie d'être là. Jusqu'à la fin, il continuait de guider les enfants pour la fête. Souvent, dans d'autres ballets aussi, il venait nous guider, prendre des répétitions. Parfois, il prenait les répétitions des grands pas de deux. Toujours super impliqué. Et moi, je voulais juste vous raconter une petite anecdote. Je devais auditionner. J'avais 18 ans. Je voulais aller auditionner à Toronto pour une bourse du Conseil des arts du Canada pour aller étudier en Europe la danse. Et Fernando s'est proposé pour me faire répéter. Je devais présenter une variation classique et une variation contemporaine. J'ai décidé de travailler une variation contemporaine que lui avait créée pour Tommy, une variation d'une femme, un solo, et un solo de Bayadère. Donc, on s'est rencontrés pendant plusieurs semaines et on travaillait. Et là, tu sais, on parle d'un niveau de répétition qui dépasse de loin une correction du genre pointe tes pieds. T'sais, on est dans le raffinement, on est dans un travail assez de précision, puis je me prépare vraiment à aller défendre ce que je suis capable de faire. Et on a beaucoup travaillé, puis à la fin de quelques semaines, j'ai enchaîné les deux variations, et comme sa voix n'était pas très forte, il m'a fait signe de venir pour entendre mes corrections. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à corriger encore? Parce qu'il me semble que j'ai beaucoup été... Et je m'approche. Puis il me regarde en souriant, puis il dit, « Pointe tes pieds, misérable! » Alors, c'était comme une bénédiction. Tu sais, cette phrase-là m'est restée pour toujours en tête. « Pointe tes pieds, misérable », ça voulait dire, « Tu l'as, ma belle. Ouais. » Tu l'as. T'es prête à aller auditionner. Voilà. La version qu'il va signer, donc ça commence au Kentucky, mais vous l'avez dansé, c'est ce qui sera inscrit au répertoire, ce Casse-Noisette de Fernando, c'est ce qui sera inscrit au répertoire des grands ballets canadiens. De quelle manière cette version-là, elle est différente, particulière par rapport aux autres versions? Ben moi, je l'adore parce que, tout d'abord, Clara est une enfant. Alors, il y a beaucoup de compagnies qui vont donner le rôle de Clara à une adulte, une danseuse professionnelle qui est sur pointe. Mais au Grand Ballet, le rôle de Clara, c'est dansé par une enfant. Le rôle de tous les enfants de la fête aussi, ce sont des enfants. Et donc, Clara reste comme seul enfant dans l'acte 2. Mais ça donne cette chaleur-là, cette authenticité-là aussi. Puis évidemment, le succès chaque année, c'est de voir les petites souris. Ça, c'est des petites affaires autres comme ça, là. C'est des petites personnes déguisées en souris qui jouent le rôle de la souris. Les moutons aussi sont dansés par des enfants. Fait que ça donne une couleur vraiment unique. L'aspect, communautaire, j'allais dire. Exactement, exactement. Puis il y a même un enfant du public qui peut faire une souris à chaque soir. Il y a un tirage qui est fait. Oui, ça donne quelque chose de vraiment particulier. Ça a voulu dire quoi pour vous? Ça commence quand votre propre histoire avec Casse-Noisette? Puis qu'est-ce que ça a voulu dire pour vous dans votre carrière? Ben, j'ai commencé à danser tard. Hein. J'ai commencé à 13 ans. Fait que j'ai jamais fait Casse-Noisette plus jeune. Je l'avais vu, par contre. Et donc, mon premier rôle a été une petite orientale. Et de là, ben, à l'école, je l'ai dansé chaque année. Puis j'ai dansé pas mal tous les rôles jusqu'à la fée dragée. Parce que d'année en année, quand je suis rentrée dans la compagnie, je dansais des rôles de plus en plus difficiles. Et ce qui est merveilleux, par contre, quand on arrive plus haut, c'est que nos rôles deviennent moindres, sont plus difficiles, mais sont moindres. Ouais. Alors, j'ai terminé, je dansais le pas de deux, des fleurs, la fée dragée, puis je pense neige. Ouais. Mais il y a plusieurs années où je dansais 9 rôles. Tu sais, dans la même soirée. Ouais. Fait que là, tu passes de faire la bonne dans la fête, tu cours, te changer, tu reviens, tu fais un flocon de neige, tu cours, te changer. Le lendemain, tu fais le pas de deux dans la même scène de la neige. Après ça, tu as l'entraque, tu fais plusieurs rôles dans l'acte 2. Fait que c'était un marathon certaines années. Racontez-nous, en terminant, la fin, en quelque sorte, de votre histoire avec Casse-Noisette, la dernière fois que vous avez dansé Casse-Noisette. La dernière fois, c'était mon secret, mais j'avais décidé que je quittais la compagnie. J'avais décidé que j'annonçais en février que j'allais quitter la compagnie. Donc, en décembre, personne ne le savait, évidemment. J'étais la seule à savoir que c'était mon tout dernier Casse-Noisette. Et j'en ai tellement, tellement profité. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré dans ma douche après. mais c'est ça, c'était fabuleux en même temps de vivre ce secret-là, puis de profiter parce que je reviens à Tchaïkovski, ce cadeau qu'il nous a fait de la musique, non seulement à ceux qui peuvent l'entendre, mais aux musiciens qui peuvent la jouer, aux danseurs qui peuvent danser sur les pas d'Ivanov qui l'a créé. C'est un cadeau immense, mais la musique particulièrement, à la fin du Grand Pas de Deux, il y a une partie qui est hyper dramatique et sensuelle et vraiment romantique. Et je suis une fille romantique et ça m'a toujours touchée de danser cette partie-là. Fait que c'était intense. Mon dernier spectacle était très intense. Merci beaucoup, comme vous l'êtes toujours. Et c'est un plaisir de vous recevoir, Geneviève Guérard, avec toute votre intensité pour nous raconter l'histoire de Casse-Noisette. Merci beaucoup. Merci à vous. Geneviève Guérard, ex-première danseuse au Grand Ballet canadien. Merci également à toute l'équipe de l'émission, Mathieu Beauchamp à la réalisation, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Mohamed Algouri, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Fontaine. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.